L'actualité à Nancy et ailleurs. Morgane, bonjour. Bonjour. Nous allons parler du Noël des animaux 2018 à la SLPA d'Amance, qui va se dérouler le dimanche 16 décembre de 13h à 18h. Donc c'est à la ferme de la Fourasse. Avant de nous parler un peu de ce qu'on va y faire, de ce qu'on va pouvoir y découvrir, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est votre rôle au sein de la SLPA d'Amance? Moi, je suis bénévole depuis 11 ans. Donc mon rôle a évolué au fur et à mesure des années. Au début, je promenais les chiens. Et puis, petit à petit, la vie de famille a fait que je n'ai plus assez de temps pour aller sur place promener les loulous de manière régulière. Donc maintenant, je suis famille d'accueil pour la SLPA d'Amance. Et puis, je participe à l'organisation de deux manifestations, une fin août, la kermesse, et une mi-décembre, le Noël des animaux. Pour le Noël des animaux, on est tout proche de cette date, hein, le 16 décembre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur place? Qu'est-ce qui va s'y passer? Alors, en fait, c'est une après-midi festive au sein de notre refuge. C'est tout simplement l'occasion d'accueillir les gens d'une manière différente. Un refuge, c'est toujours un endroit qui est assez triste pour les gens. Il y a des gens qui ne font pas le pas de venir dans un refuge parce que l'appréhension d'y voir des animaux en cage, etc., c'est compliqué. Oui. Là, ça nous permet justement de faire venir des gens différents, des gens qui n'ont pas l'habitude de venir parce que ça va être une après-midi festive, une après-midi sous le signe de Noël. Au refuge, le quotidien des animaux reste le même, que ce soit Noël ou pas. Donc, c'est une façon d'apporter un petit peu de chaleur, un petit peu de bonheur pour ces loulous en faisant venir du monde et l'opportunité justement pour les gens d'apporter un petit cadeau aux chiens et aux chats qui resteront au refuge pour Noël. Alors quel type de petit cadeau peut-on apporter ce jour-là? Alors on va mettre un grand sapin à l'entrée du refuge et puis les gens peuvent apporter aussi bien des petits cadeaux pour les chiens, les chats, donc des pouettes-pouettes et voilà, des petits jouets, ou alors des choses qui peuvent aussi servir au quotidien, c'est-à-dire de la litière, des croquettes, de la pâtée pour chats. La pâtée pour chats, on en manque cruellement parce qu'on a 300 chats au refuge. Une partie en chatterie et une partie en liberté. Donc, 100 chats à nourrir, ça fait beaucoup de monde. Et c'est vrai que voilà, la pâtée pour chats, on en manque assez rapidement. Donc ça peut être ça peut être des laisses, ça peut être tout ce qui fait plaisir, ça peut être aussi des couvertures. Parce que là, on arrive en plein hiver et le froid commence à arriver. Mmh. Et on change les couvertures des chiens en particulier quasiment tous les jours parce qu'ils sortent, ils sont mouillés, ils reviennent au refuge. Donc il faut qu'ils aient des couvertures chaudes et sèches. Donc on change quasiment tous les jours. Les chats, on change un peu moins, mais on change très régulièrement aussi. Donc les couvertures sont aussi les bienvenues. Voilà, vous avez dit 300 chats au refuge. Oui. Pour combien de chiens aussi? On a une capacité de 90-100 chiens. Oui. Là, actuellement, on en a moins. Je pense qu'on doit être autour des 70-80. C'est par période, en fait. Vous êtes bénévole pour la SLPA d'Amance. Le rôle des bénévoles est super important pour un lieu tel que celui-ci. Le rôle des bénévoles complète celui des salariés, en fait. Oui. Parce que les salariés s'occupent des animaux pour tout ce qui est soins, tout ce qui est nettoyage des box, tout ce qui est aussi éducation. Il y a une partie éducation à faire aussi dans un refuge. Et les bénévoles, eux, sont plus là pour le côté sociabilisation, le côté promenade. On promène les chiens, on les câline, on leur apporte un peu plus de temps. On passe, les bénévoles peuvent passer des heures avec les chiens en balade, avec les chats, à les caresser. Donc, ils ont un rôle essentiel parce que ça permet justement aux animaux de garder un contact avec l'humain dans le quotidien. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs pour qu'ils sautent le pas, justement, qu'ils osent venir vous rencontrer et puis passer un bon après-midi à la ferme de la Fourasse? Tout simplement que les animaux comptent sur eux, que nous, ça fait plusieurs semaines qu'on organise ce Noël des animaux et qu'on espère qu'on aura du monde parce que c'est pour nous aussi, bénévoles et salariés, c'est du temps d'engager et c'est important pour nous de partager aussi avec les gens de l'extérieur notre amour pour ce refuge-là parce qu'on se bat quotidiennement pour la SLPA d'Amance, soit en y travaillant, soit en y étant bénévole, soit en organisant des manifestations pour justement faire connaître le refuge et c'est un moment qu'on a envie de partager avec eux et c'est un moment de bonheur parce que c'est un moment dans la bonne humeur, c'est un moment avec vin chaud, chocolat chaud, des crêpes, un petit marché artisanal. C'est vraiment une façon différente de voir le refuge et pour les gens qui redoutent un petit peu de rentrer dans un refuge finalement, peut-être qu'à Noël c'est la bonne période pour venir parce que il va y avoir ce petit côté un peu magique de Noël quand même. Voilà. Le Noël des animaux, le dimanche 16 décembre à la SLPA d'Amance de 13h à 18h. On peut retrouver toutes les infos. Vous avez une page Facebook, hein, SLPA Amance, tout simplement, où on peut bien suivre votre quotidien et tout ce qui est organisé au cours de l'année. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Morgane. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.